armé d'une calculatrice, tu te dis, cette année Noël, on va faire ça petit. Fini les gros cadeaux jumbo, on va contrôler nos capitaux. Mais la tradition, c'est plus fort que la raison. Qu'est-ce que te dit la tradition? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Une poupée qui pue, un toutou qui sue. Des décorations qui éteignent et les vedettes pleines. Un DVD qu'on regardera pas. Des gadgets made in China. Une belle cravate pour faire le smash. Un CD plein de toute place. Tu sais la publicité, ça se moque de la simplicité. Qu'est-ce que te dit la publicité? Te dit dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Encore une fois, tu te redis, les dettes des fêtes, c'est fini. On va vivre ça avec simplicité, en réveillant dans la frugalité. Mais les conventions, ça va les résolutions. Qu'est-ce que te disent les conventions? Qu'est-ce que te disent? Elles te disent dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense. Dépense, dépense, dépense.